t'avais dit que t'allais béton, tu le savais. Mais maintenant c'est des mandats que je t'envoie pour te sauver. Je pensais pas que me faire ce genre de choses, tu pouvais. J'aurais jamais pu te comprendre. Pour toi, j'aurais pu sortir le gun qui est dans la part. Et même quand j'avais une as toujours présent pour ma part. Je voulais qu'on prenne les rênes, marquer l'histoire comme Bonaparte. Même Judas a trahi son frère, ton père s'en fait ma foi. Je t'avais dit que t'allais béton, tu le savais. Mais maintenant c'est des mandats que je t'envoie pour te sauver. Je pensais pas que me faire ce genre de choses, tu pouvais. Je t'avais dit que t'allais béton, tu le savais. J'aurais jamais pu faire confiance. C'est la droite d'un gros remonte d'un gars, chaque kick show. Je fais bête au famille, par ça de piche. J'ai piqué un gars dans la foulée. Foulée, faut piquer d'ici, y'a les poulets. Foulée, putain, on a fait les gars, t'en coup ensemble. Ma maintenant c'est dans mon dos que tu craches. Je suis vers Bogota, je vais récupérer la planche. Avec les mandats, de toute façon, on est plein. On a pêché, repêché. Maintenant, y'a des sous dans les poches. Faut garder la pêche. Faut encaisser les cachets. Fais brille à la moitié de ma biche. J'ai un boum marabout, pas besoin de pare-balles. J'ai pris deux balles, 4 sur le cardiaque. Ça pull up, ça coupe des têtes comme un Bagdad. Je suis fiché pour ce qu'il attend. Je pars au Bagdad. J'ai dit que j'allais béton, je le savais. Mais moi, c'est la rue, la vraie. Tu me connais. C'est les ratas de la caille. On est des petits attirés par les billets. On sait rien faire à part par les billets. Non, non, c'est pas celui qui dit qui est. On va monter sur un plat. Faut filer carré noir comme le trou du canon. Si je t'avais dit que t'allais béton, je le savais. Des mandats que je t'envoie pour te sauver. Je pensais pas que me faire ce genre de choses, tu pouvais. Je t'avais dit que t'allais béton, tu le savais. Je t'avais dit que t'allais béton, tu le savais. Maintenant c'est des mandats que je t'envoie pour te sauver. Je pensais pas que me faire ce genre de choses, tu pouvais. Je t'avais dit que t'allais béton, tu le savais. J'aurais jamais dû te faire confiance.